sais que c'est un sneakers que tu suces en battant. Pas besoin de poppers pour aller plus profond. Quelle terrible invention que ces capotes goût-miel. Elles nous donnent l'impression d'un festin sexuel. C'est un sneakers que tu suces en bâton. Pas besoin de poppers pour aller plus profond. Quelle terrible invention que ces capotes goût miel. Elles nous donnent l'impression d'un festin sexuel.